Chapitre 6e. Son retour à Paris ne lui causa point de plaisir. C'était le soir, à la fin du mois d'août. Le boulevard semblait vide. Les passants se succédaient avec des mines renfrognées. Ça et là, une chaudière d'asphalte fumait. Beaucoup de maisons avaient leurs persiennes entièrement closes. Il arriva chez lui. De la poussière couvrait les tentures. Et en dînant tout seul, Frédéric fut pris par un étrange sentiment d'abandon. Alors il songea à Mademoiselle Rock. L'idée de se marier ne lui paraissait plus exorbitante. Il voyagerait, ils iraient en Italie, en Orient. Et il l'apercevait debout sur un monticule, contemplant un paysage, ou bien appuyé à son bras dans une galerie florentine, s'arrêtant devant les tableaux. Quelle joie que ce serait que voir ce bon petit être s'épanouir aux splendeurs de l'art et de la nature. Sorti de son milieu, en peu de temps, elle ferait une compagne charmante. La fortune de M. Rock le tentait d'ailleurs. Cependant, une pareille détermination lui répugnait comme une faiblesse, un avilissement. Mais il était bien résolu, quoi qu'il dût faire, à changer d'existence, c'est-à-dire à ne plus perdre son cœur dans des passions infructueuses, et même, il hésitait à remplir la commission dont Louise l'avait chargé. C'était d'acheter pour elle, chez Jacques Arnoux, deux grandes statuettes polychromes représentant des nègres, comme ceux qui étaient à la préfecture de Troyes. Elle connaissait le chiffre du fabricant, n'en voulait pas d'un autre. Frédéric avait peur, s'il retournait chez eux, de tomber encore une fois dans son vieil amour. Ses réflexions l'occupèrent toute la soirée, et il allait se coucher quand une femme entra. « C'est moi, » dit en riant Mademoiselle Vatnaz, « je viens de la part de Rosanette. » Elle s'était donc réconciliée. « Mon Dieu, oui. Je ne suis pas méchante, vous savez bien. Au surplus, la pauvre fille, ce serait trop long à vous conter. » Bref, la maréchale désirait le voir. Elle attendait une réponse. Sa lettre s'était promenée de Paris à Nogent. Mademoiselle Vatnaz ne savait point ce qu'elle contenait. Alors Frédéric s'informa de la maréchale. Elle était maintenant avec un homme très riche, un russe, le prince Tsernoukov, qu'il avait vu aux courses du Champ de Mars l'été dernier. On a trois voitures, cheval de selle, livrée, groom dans le chic anglais, maison de campagne, loge aux Italiens, un tas de choses encore. Voilà, mon cher. Et la Vatnaz, comme si elle eût profité à ce changement de fortune, paraissait plus gaie, toute heureuse. Elle retira ses gants et examina dans la chambre les meubles et les bibelots. Elle les cotait à leur prix juste, comme un brocanteur. Il aurait dû la consulter pour les obtenir à meilleur compte, et elle le félicitait de son bon goût. « Ah, c'est mignon, extrêmement bien. Il n'y a que vous pour ces idées. » Puis, apercevant au chevet de l'alcôve une porte, « C'est par là qu'on fait sortir les petites femmes, hein ?» Et amicalement, elle lui prit le menton. Il tressaillit au contact de ses longues mains, tout à la fois maigres et douces. Elle avait autour des poignets une bordure de dentelle et sur le corsage de sa robe verte, des passementeries, comme un hussard. Son chapeau de tulle noire, à bord descendant, lui cachait un peu le front. Ses yeux brillaient là-dessous. Une odeur de patchouli s'échappait de ses bandeaux. La carcelle posée sur un guéridon, en l'éclairant d'en bas comme une rampe de théâtre, faisait saillir sa mâchoire. Et tout à coup, devant cette femme laide, qui avait dans la taille des ondulations de panthère, Frédéric sentit une convoitise énorme, un désir de volupté bestiale. Elle lui dit, d'une voix onctueuse, en tirant de son porte-monnaie trois carrés de papier, « Vous allez me prendre ça. » C'était trois places pour une représentation au bénéfice de Delmar. Comment, lui? Certainement. Mademoiselle Vatnaz, sans s'expliquer davantage, ajouta qu'elle l'adorait plus que jamais. Le comédien, allant croire, se classait définitivement parmi les sommités de l'époque. Et ce n'était pas tel ou tel personnage qu'il représentait, mais le génie même de la France, le peuple. Il avait l'âme humanitaire. Il comprenait le sacerdoce de l'art. Frédéric, pour se délivrer de ses éloges, lui donna l'argent des trois places. « Inutile que vous en parliez là-bas. Comme il est tard, mon Dieu, il faut que je vous quitte. Ah, j'oublie l'adresse. C'est rue Grange-Batelière, 14. Et sur le seuil. Adieu. « Homme aimé. » Aimé de qui ? » se demanda Frédéric. « Quelle singulière personne !» Et il se ressouvint que Dussardier lui avait dit un jour, à propos d'elle, « Oh, ce n'est pas grand-chose. comme faisant allusion à des histoires peu honorables. Le lendemain, il se rendit chez la maréchale. Elle habitait une maison neuve, dont les stores avançaient sur la rue. Il y avait, à chaque palier, une glace contre le mur, une jardinière rustique devant les fenêtres, tout le long des marches un tapis de toile, et quand on arrivait du dehors, la fraîcheur de l'escalier délassait. Ce fut un domestique mâle qui vint ouvrir, un valet en gilet rouge. Dans l'antichambre, sur la banquette, une femme et deux hommes, des fournisseurs sans doute, attendaient, comme dans un vestibule de ministre. À gauche, la porte de la salle à manger entrebâillée laissait apercevoir des bouteilles vides sur les buffets, des serviettes au dos des chaises, et parallèlement s'étendait une galerie où des bâtons couleur d'or soutenaient un espalier de rose. En bas, dans la cour, deux garçons, les bras nus, frottaient un landau. Leur voix montait jusque-là, avec le bruit intermittent d'une étrille que l'on heurtait contre une pierre. Le domestique revint. Madame allait recevoir monsieur, et il lui fit traverser une deuxième antichambre, puis un grand salon, tendu de brocatelles jaunes avec des torsades dans les coins qui se rejoignaient sur le plafond et semblaient continuer par les rinceaux de lustre ayant la forme de câbles. On avait sans doute festoyé la nuit dernière. De la cendre de cigare était restée sur les consoles. Enfin, il entra dans une espèce de boudoir qu'éclairaient confusément des vitraux de couleur. Des trèfles en bois découpé ornaient le dessus des portes. Derrière une balustrade, trois matelas de pourpre formaient divan, et le tuyau d'un narguilé de platine traînait dessus. La cheminée, au lieu de miroir, avait une étagère pyramidale, offrant sur ses gradins toute une collection de curiosités, de vieilles montres d'argent, des cornets de bohème, des agrafes en pierreries, des boutons de jade, des émaux, des magots, une petite vierge byzantine à chape de vermeil, et tout cela se fondait dans un crépuscule doré, avec la couleur bleuâtre du tapis, le reflet de nacre des tabourets, le ton fauve des murs couverts de cuir marron. Aux angles, sur des pieds-douches, des vases de bronze contenaient des touffes de fleurs qui alourdissaient l'atmosphère. Rosanette parut, habillée d'une veste de satin rose avec un pantalon de cachemire blanc, un collier de piastres et une calotte rouge entourée d'une branche de jasmin. Frédéric fit un mouvement de surprise, puis dit qu'il apportait la chose en question en lui présentant le billet de banque. Elle le regarda fort ébahie, et comme il avait toujours le billet à la main, sans savoir où le poser, « Prenez-le donc. » Elle le saisit, puis, l'ayant jeté sur le divan, « Vous êtes bien aimable. » C'était pour solder un terrain à Bellevue, qu'elle payait ainsi par annuités. Un tel sans-façon blessa Frédéric. Du reste, tant mieux, cela le vengeait du passé. « Asseyez-vous, » dit-elle, « là, plus près. » Et d'un ton grave, « D'abord, je vous remercie, mon cher, d'avoir risqué votre vie. »« Oh, ce n'est rien. »« Comment ? Mais c'est très beau. » Et la maréchale lui témoigna une gratitude embarrassante, car elle devait penser qu'il s'était battu exclusivement pour Arnoux, celui-ci qui se l'imaginait ayant dû céder au besoin de le dire. « Elle se moque de moi, peut-être, » songeait Frédéric. Il n'avait plus rien à faire, et alléguant un rendez-vous, il se leva. « Non, restez !» Il se rassit et la complimenta sur son costume. Elle répondit avec un air d'accablement. « C'est le prince qui m'aime comme ça. Et il faut fumer des machines pareilles, » ajouta Rosanette en montrant le narguilé. « Si nous en goûtions, voulez-vous ?» On apporta du feu. Le tombac s'allumant difficilement, elle se mit à trépigner d'impatience. Puis une langueur la saisit et elle restait immobile sur le divan, un coussin sous l'aisselle, le corps un peu tordu, un genou plié, l'autre jambe toute droite. Le long serpent de maroquin rouge, qui formait des anneaux par terre, s'enroulait à son bras. Elle en appuyait le bec d'ambre sur ses lèvres et regardait Frédéric en clignant les yeux à travers la fumée dont les volutes l'enveloppaient. L'aspiration de sa poitrine faisait gargouiller l'eau et elle murmurait de temps à autre « Ce pauvre mignon, ce pauvre chéri !» Il tâchait de trouver un sujet de conversation agréable. L'idée de la Vatnaz lui revint. Il dit qu'elle lui avait semblé fort élégante. « Parbleu, » reprit la maréchale, « elle est bien heureuse de m'avoir celle-là. » Sans ajouter un mot de plus, tant il y avait de restrictions dans leurs propos. Tous les deux sentaient une contrainte, un obstacle. En effet, Le duel dont Rosanette se croyait la cause avait flatté son amour-propre. Puis elle s'était fort étonnée qu'il n'accourût pas se prévaloir de son action. Et pour le contraindre à revenir, elle avait imaginé ce besoin de 500 francs. Comment se faisait-il que Frédéric ne demandait pas en retour un peu de tendresse? C'était un raffinement qui l'émerveillait, et dans un élan de cœur, elle lui dit « Voulez-vous venir avec nous au bain de mer ?»« Qui cela, nous ? Moi et mon oiseau ? Je vous ferai passer pour mon cousin, comme dans les vieilles comédies. Mille grâces. Eh bien, alors vous prendrez un logement près du nôtre. » L'idée de se cacher d'un homme riche l'humiliait. « Non, cela est impossible. À votre aise. » Rosanette se détourna, ayant une larme aux paupières. Frédéric l'aperçut, et pour lui marquer de l'intérêt, il se dit heureux de la voir, enfin dans une excellente position. Elle fit un haussement d'épaule. Qui donc l'affligeait? Était-ce par hasard qu'on ne l'aimait pas? « Oh, moi on m'aime toujours, » elle ajouta. « Reste à savoir de quelle manière. » Se plaignant d'étouffer de chaleur, la maréchale défit sa veste, et sans autre vêtement autour des reins que sa chemise de soie, elle inclinait la tête sur son épaule avec un air d'esclave plein de provocation. Un homme d'un égoïsme moins réfléchi n'eût pas songé que le vicomte, M. de Comin ou un autre, pouvait survenir. Mais Frédéric avait été trop de fois la dupe de ces mêmes regards pour se compromettre dans une humiliation nouvelle. Elle voulut connaître ses relations, ses amusements. Elle arriva même à s'informer de ses affaires et à offrir de lui prêter de l'argent s'il en avait besoin. Frédéric, n'y tenant plus, prit son chapeau. « Allons, ma chère, bien du plaisir là-bas. Au revoir. » Elle écarqua les yeux, puis d'un ton sec. « Au revoir. » Il repassa par le salon jaune et par la seconde antichambre. Il y avait sur la table, entre un vase plein de cartes de visite et une écritoire, un coffret d'argent ciselé. C'était celui de Madame Arnoux. Alors, il éprouva un attendrissement et en même temps comme le scandale d'une profanation. Il avait envie d'y porter les mains, de l'ouvrir. Il eut peur d'être aperçu et s'en alla. Frédéric fut vertueux. Il ne retourna point chez Arnoux. Il envoya son domestique acheter les deux nègres, lui ayant fait toutes les recommandations indispensables, et la caisse partit, le soir même, pour Nogent. Le lendemain, comme il se rendait chez Deslauriers, au détour de la rue Vivienne et du boulevard, Madame Arnoux se montra devant lui, face à face. Leur premier mouvement fut de reculer. Puis, le même sourire la vint aux lèvres et ils s'abordèrent. Pendant une minute, aucun des deux ne parla. Le soleil l'entourait, et sa figure ovale, ses longs sourcils, son châle de dentelle noire, moulant la forme de ses épaules, sa robe de soie gorge de pigeon, le bouquet de violettes au coin de sa capote, tout lui parut d'une splendeur extraordinaire. Une suavité infinie s'épanchait de ses beaux yeux, et balbutiant au hasard les premières paroles venues. « Comment se porte Arnoux ?» dit Frédéric. « Je vous remercie. Et vos enfants ?»« Ils vont très bien. »« Hein. Quel beau temps nous avons, n'est-ce pas ?»« Magnifique, c'est vrai. »« Vous faites des courses ?»« Oui. » Et avec une lente inclination de tête, « Adieu. » Elle ne lui avait pas tendu la main, n'avait pas dit un seul mot affectueux, ne l'avait même pas invité à venir chez elle, n'importe. Il n'eût point donné cette rencontre pour la plus belle des aventures, et il en ruminait la douceur tout en continuant sa route. Deslauriers, surpris de le voir, dissimula son dépit, car il conservait par obstination quelque espérance encore du côté de Madame Arnoux, et il avait écrit à Frédéric de rester là-bas pour être plus libre dans ses manœuvres. Il dit cependant qu'il s'était présenté chez elle afin de savoir si leur contrat stipulait la communauté. Alors, on aurait pu recourir contre la femme. Et elle a fait une drôle de mine quand je lui ai appris ton mariage. Tiens, quelle invention! Il le fallait pour montrer que tu avais besoin de tes capitaux. Une personne indifférente n'aurait pas eu l'espèce de syncope qu'il a prise. Vraiment? S'écria Frédéric. Ah, mon gaillard, tu te trahis. « Sois franc, voyons. » Une lâcheté immense envahit l'amoureux de Madame Arnoux. « Mais non, je t'assure, ma parole d'honneur. » Ces molles dénégations achevèrent de convaincre Deslauriers. Il lui fit des compliments Il lui demanda des détails. Frédéric ne donna pas et même résista à l'envie d'en inventer. Quant à l'hypothèque, il lui dit de ne rien faire, d'attendre. Deslauriers trouva qu'il avait tort et même fut brutal dans ses remontrances. Il était d'ailleurs plus sombre, malveillant et irascible que jamais. Dans un an, si la fortune ne changeait pas, il s'embarquerait pour l'Amérique où se ferait sauter la cervelle. Enfin, il paraissait si furieux contre tout et d'un radicalisme tellement absolu que Frédéric ne put s'empêcher de lui dire « Te voilà comme Sénécal ». Deslauriers, à ce propos, lui apprit qu'il était sorti de Sainte-Pélagie. L'instruction n'ayant point fourni assez de preuves, sans doute, pour le mettre en jugement. Dans la joie de cette délivrance, Dussardier voulut offrir un punch et pria Frédéric d'en être, en l'avertissant toutefois qu'il se trouverait avec Hussonnet, lequel s'était montré excellent pour Sénécal. En effet, le flambard venait de s'adjoindre à un cabinet d'affaires portant sur ses prospectus « Comptoir des vignobles, office de publicité, bureau de recouvrement et renseignement, etc. » Mais le bohème craignait que son industrie ne fît du tort à sa considération littéraire, et il avait pris le mathématicien pour tenir les comptes. Bien que la place fût médiocre, Sénécal, sans elle, serait mort de faim. Frédéric, ne voulant point affliger le brave commis, accepta son invitation. Dussardier, 3 jours d'avance, avait ciré lui-même les pavés rouges de sa mansarde, battu le fauteuil et épousté la cheminée, où l'on voyait sous un globe une pendule d'albâtre entre une stalactite et un coco. Comme ses 2 chandeliers et son bougeoir n'étaient pas suffisants, il avait emprunté au concierge 2 flambeaux, et ses 5 luminaires brillaient sur la commode, que recouvraient 3 serviettes, afin de supporter plus décemment des macarons, des biscuits, une brioche et 12 bouteilles de bière. En face, contre la muraille tendue d'un papier jaune, une petite bibliothèque en acajou contenait les fables de la Chambaudie, les mystères de Paris, le Napoléon de Norvin, et au milieu de l'alcôve, souriait, dans un cadre de palissandre, le visage de Béranger. Les convives étaient, outre Deslauriers et Sénécal, un pharmacien nouvellement reçu, mais qui n'avait pas les fonds nécessaires pour s'établir, un jeune homme de sa maison, un placeur de vin, un architecte et un monsieur employé dans les assurances. Regimbard n'avait pas pu venir, on le regretta. Ils accueillirent Frédéric avec de grandes marques de sympathie, tous connaissant par Dussardier son langage chez M. d'Ambreuse. Sénécal se contenta de lui offrir la main d'un air digne. Il se tenait debout contre la cheminée. Les autres, assis et la pipe aux lèvres, l'écoutaient discourir sur le suffrage universel, d'où devait résulter le triomphe de la démocratie, l'application des principes de l'Évangile. Du reste, le moment approchait. Les banquets réformistes se multipliaient dans les provinces, le Piémont, Naples, la Toscane. « C'est vrai, » dit Deslauriers, lui coupant net la parole. « Ça ne peut pas durer plus longtemps. » Il se mit à faire un tableau de la situation. Nous avions sacrifié la Hollande pour obtenir de l'Angleterre la reconnaissance de Louis-Philippe, et cette fameuse alliance anglaise, elle était perdue grâce aux mariages espagnols. En Suisse, M. Guizot, à la remorque de l'Autrichien, soutenait les traités de 1815. La Prusse, avec son Zollverein, nous préparait des embarras. Les questions d'Orient restaient pendantes. Ce n'est pas une raison pour que le grand-duc Constantin envoie des présents à M. Daumal pour se fier à la Russie. Quant à l'intérieur, jamais on n'a vu tant d'aveuglement, de bêtises. Leur majorité même ne se tient plus. Partout, enfin, c'est selon le mot connu, rien, rien, rien. Et devant tant de honte, poursuivit l'avocat, en mettant ses poings sur ses hanches, il se déclare satisfait. Cette allusion à un vote célèbre provoqua des applaudissements. Dussardier déboucha une bouteille de bière. La mousse éclaboussa les rideaux, il n'y prit garde. Il chargeait les pipes, coupait la brioche, en offrait, était descendu plusieurs fois pour voir si le punch allait venir, et on ne tarda pas à s'exalter, tous ayant contre le pouvoir la même exaspération. Elle était violente, sans autre cause que la haine de l'injustice, et il mêlait aux griefs légitimes les reproches les plus bêtes. Le pharmacien gémit sur l'état pitoyable de notre flotte. Le courtier d'assurance ne tolérait pas les 2 sentinelles du marché Soult. Deslauriers dénonça les jésuites, qui venaient de s'installer à Lille, publiquement. Sénécal exécrait bien plus M. Cousin, car l'éclectisme, enseignant à tirer la certitude de la raison, développait l'égoïsme, détruisait la solidarité. Le placeur de vin, comprenant peu ces matières, remarqua tout haut qu'il oubliait bien des infamies. « Le wagon royal de la ligne du Nord doit coûter 90 000 francs. Qui le payera ?»« Oui, qui le payera ?» reprit l'employé de commerce, furieux, comme si on eût puisé cet argent dans sa poche. Il s'ensuivit des récriminations contre les loups serviers de la bourse et la corruption des fonctionnaires. On devait remonter plus haut, selon Sénécal, et accuser tout d'abord les princes qui ressuscitaient les mœurs de la régence. N'avez-vous pas vu, dernièrement, les amis du duc de Montpensier revenir de Vincennes, ivres sans doute, et troublés par leurs chansons les ouvriers du faubourg Saint-Antoine? On a même crié à bas les voleurs, dit le pharmacien. J'y étais, j'ai crié. Tant mieux, le peuple enfin se réveille depuis le procès de Tête Cubière. Moi, ce procès-là m'a fait de la peine, dit Dussardier, parce que ça déshonore un vieux soldat. Savez-vous, continua Sénécal, qu'on a découvert chez la duchesse de Pralins. Mais un coup de pied ouvrit la porte. Hussonnet entra. Salut, messeigneurs, dit-il en s'asseyant sur le lit. Aucune allusion ne fut faite à son article, qu'il regrettait du reste, la maréchale l'en ayant tancé vertement. Il venait de voir, au théâtre de Dumas, le chevalier de Maison Rouge et trouvait ça embêtant. Un jugement pareil étonna les démocrates. Ce drame, par ses tendances, ses décors plutôt, caressant leur passion. Ils protestèrent. Sénécal, pour en finir, demanda si la pièce servait la démocratie. « Oui, peut-être. Mais c'est un style. Eh bien, elle est bonne alors. Qu'est-ce que le style? C'est l'idée. » Et sans permettre à Frédéric de parler. « J'avançais donc que, dans l'affaire Pralins, Hussonnet l'interrompit. « Ah, voilà encore une rengaine, celle-là. M'embête-t-elle? Et d'autres que vous ?» répliqua Deslauriers. « Elle a fait saisir rien que 5 journaux. Écoutez-moi cette note. » Et ayant tiré son calepin, il lut. « Nous avons subi, depuis l'établissement de la meilleure des républiques, 1229 procès de presse, dont il a résulté pour les écrivains 3141 ans de prison avec la légère somme de 7 110 500 francs d'amende. C'est coquet, hein ?» Tous ricanèrent amèrement. Frédéric, animé comme les autres, reprit. « La démocratie pacifique a un procès pour son feuilleton, un roman intitulé « La part des femmes ».»« Allons bon, » dit Hussonnet, « si on nous défend notre part des femmes. » Qu'est-ce qui n'est pas défendu ? S'écria Deslauriers. Il est défendu de fumer dans le Luxembourg, défendu de chanter l'hymne à Pie IX. Et on interdit le banquet des typographes, articula une voix sourde. C'était celle de l'architecte, cachée par l'ombre de l'alcôve et silencieux jusqu'à présent. Il ajouta que la semaine dernière, on avait condamné pour outrage au roi un nommé Rouget. Rouget est frit, dit Hussonnet. Cette plaisanterie parut tellement inconvenante à Sénécal qu'il reprocha de défendre le jongleur de l'hôtel de ville, l'ami du traître Dumouriez. Moi, au contraire. Il trouvait Louis-Philippe pensif, garde national, tout ce qu'il y avait de plus épicier et bonnet de coton. Et mettant la main sur son cœur, le bohème débita les phrases sacramentelles. C'est toujours avec un nouveau plaisir. La nationalité polonaise ne périra pas. Nos grands travaux seront poursuivis. Donnez-moi de l'argent pour ma petite famille. Tous riaient beaucoup, le proclamant un gaillard délicieux, plein d'esprit. La joie redoubla à la vue du bol de punch qu'un limonadier apportait. Les flammes de l'alcool et celles des bougies échauffèrent vite l'appartement. Et la lumière de la mansarde, traversant la cour, éclairait en face le bord d'un toit avec le tuyau d'une cheminée qui se dressait en noir sous la nuit. Ils parlaient très haut, tous à la fois. Ils avaient retiré leurs redingotes. Ils heurtaient les meubles, ils choquaient les verres. Hussonnet s'écria « Faites monter des grandes dames pour que ce soit plus tourdenelle, couleur locale et rembranesque, palsambleu. » Et le pharmacien, qui tournait le punch indéfiniment, entonna à pleine poitrine « J'ai 2 grands bœufs dans mon étable, 2 grands bœufs blancs. » Sénécal lui mit la main sur la bouche, il n'aimait pas le désordre. Et les locataires apparaissaient à leurs carreaux, surpris du tapage insolite qui se faisait dans le logement de Dussardier. Le brave garçon était heureux et dit que ça lui rappelait leur petite séance d'autrefois, au quai Napoléon. Plusieurs manquaient cependant. « Ainsi, pèlerin, on peut s'en passer, » reprit Frédéric, et Deslauriers s'informa de Martinon. « Que devient-il, cet intéressant monsieur ?» Aussitôt, Frédéric, épanchant le mauvais vouloir qu'il lui portait, attaqua son esprit, son caractère, sa fausse élégance, l'homme tout entier. C'était bien un spécimen de paysan parvenu. L'aristocratie nouvelle, La bourgeoisie ne valait pas l'ancienne, la noblesse. Ils soutenaient cela, et les démocrates approuvaient, comme s'ils avaient fait partie de l'une et qu'ils eussent fréquenté l'autre. On fut enchanté de lui. Le pharmacien le compara même à M. Dalton Shea, qui, bien que pair de France, défendait la cause du peuple. L'heure de s'en aller était venue. Tous se séparèrent avec de grandes poignées de main. Dussardier, par tendresse, reconduisit Frédéric et Deslauriers. Dès qu'ils furent dans la rue, l'avocat eut l'air de réfléchir et, après un moment de silence, « Tu lui en veux donc beaucoup, à Pellerin ?» Frédéric ne cacha pas sa rancune. Le peintre, cependant, avait retiré de la montre le fameux tableau. On ne devait pas se brouiller pour des bêtises. À quoi bon se faire un ennemi? Il a cédé à un mouvement d'humeur, excusable dans un homme qui n'a pas le sou. Tu ne peux pas comprendre ça, toi. Et Deslauriers, remonté chez lui, le commis ne lâcha point Frédéric. Il l'engagea même à acheter le portrait. En effet, Pellerin, désespérant de l'intimider, les avait circonvenus pour que, grâce à eux, il prît la chose. Deslauriers en reparla, insista. Les prétentions de l'artiste étaient raisonnables. « Je suis sûr que, moyennant, peut-être 500 francs... »« Ah, donne-les, tiens, les voici !» dit Frédéric. Le soir même, le tableau fut apporté. Il lui parut plus abominable encore que la première fois. Les demi-teintes et les ombres s'étaient plombées sous les retouches trop nombreuses, et elles semblaient obscurcies par rapport aux lumières qui demeuraient brillantes çà et là, détonnaient dans l'ensemble. Frédéric se vengea de l'avoir payé en le dénigrant amèrement. Deslauriers le crut sur parole et approuva sa conduite, car il ambitionnait toujours de constituer une phalange dont il sera le chef. Certains hommes se réjouissent de faire faire à leurs amis des choses qui leur sont désagréables. Cependant, Frédéric n'était pas retourné chez les Dambreuses. Les capitaux lui manquaient. Ce seraient des explications à n'en plus finir. Il balançait à se décider. Peut-être avait-il raison. Rien n'était sûr maintenant. L'affaire des Houilles pas plus qu'une autre. Il fallait abandonner un pareil monde. Enfin, Deslauriers le détourna de l'entreprise. À force de haine, il devenait vertueux. Et puis, il aimait mieux Frédéric dans la médiocrité. De cette manière, il restait son égal et en communion plus intime avec lui. La commission de Mademoiselle Roch avait été fort mal exécutée. Son père l'écrivit, en fournissant les explications les plus précises, et terminait sa lettre par cette badinerie, au risque de vous donner un mal de nègre. Frédéric ne pouvait faire autrement que de retourner chez Arnoux. Il monta dans le magasin et ne vit personne. La maison de commerce croulant, les employés imitaient l'incurie de leur patron. Il côtoya la longue étagère, chargée de faïence, qui occupait d'un bout à l'autre le milieu de l'appartement. Puis, arrivé au fond, devant le comptoir, il marcha plus fort pour se faire entendre. La portière se relevant, Madame Arnoux parut. « Comment, vous, ici, vous ?»« Oui, » balbutia-t-elle, un peu troublée. « Je cherchais... » Il aperçut son mouchoir près du pupitre et devina qu'elle était descendue chez son mari pour se rendre compte, éclaircir sans doute une inquiétude. « Mais vous avez peut-être besoin de quelque chose, » dit-elle. « Un rien, madame. »« Ces commis sont intolérables. Ils s'absentent toujours. » On ne devait pas les blâmer. Au contraire, ils se félicitaient de la circonstance. Elle le regarda ironiquement. « Eh bien, et ce mariage ? Quel mariage ? Le vôtre ? Moi, jamais de la vie. » Elle fit un geste de dénégation. « Quand cela serait, après tout ? On se réfugie dans le médiocre, par désespoir du beau qu'on a rêvé. Tous vos rêves, pourtant, n'étaient pas si candides. Que voulez-vous dire ? Quand vous vous promenez aux courses avec des personnes ? » Il maudit la maréchale. Un souvenir lui revint. « Mais c'est vous-même autrefois qui m'avez prié de la voir dans l'intérêt d'Arnoux. » Elle répliqua en hochant la tête. « Et vous en profitez pour vous distraire. » « Mon Dieu, oublions toutes ces sottises. C'est juste puisque vous allez vous marier. » Il retenait son soupir en mordant ses lèvres. Alors il s'écria. « Mais je vous répète que non. Pouvez-vous croire que moi, avec mes besoins d'intelligence, mes habitudes, j'aille m'enfouir en province pour jouer aux cartes, surveiller des maçons et me promener en sabots? Dans quel but, alors? On vous a conté qu'elle était riche, n'est-ce pas? Ah, je me moque bien de l'argent. Est-ce qu'après avoir désiré tout ce qu'il y a de plus beau, de plus tendre, de plus enchanteur, une sorte de paradis sous forme humaine, et quand je l'ai trouvé enfin cet idéal, quand cette vision me cache toutes les autres?

ou bien Madame Arnoux elle-même se présentait. Il arriva un jour, derrière son dos, comme elle était accroupie, devant le gazon à chercher de la violette. L'humeur de sa fille l'avait forcé de la mettre au couvent. Son gamin passait l'après-midi dans une école. Arnoux faisait de longs déjeuners au Palais Royal, avec Regimbard et l'ami Compin. Aucun fâcheux ne pouvait les surprendre. Il était bien entendu qu'ils ne devaient pas s'appartenir. Cette convention qui les garantissait du péril facilitait leurs épanchements. Elle lui dit son existence d'autrefois, à Chartres, chez sa mère. Sa dévotion vers 12 ans, puis sa fureur de musique, lorsqu'elle chantait jusqu'à la nuit dans sa petite chambre d'où l'on découvrait les remparts. Il lui conta ses mélancolies au collège et comment, dans son ciel poétique, resplendissait un visage de femme, si bien qu'en la voyant pour la première fois, il l'avait reconnue. Ses discours n'embrassaient d'habitude que les années de leur fréquentation. Il lui rappelait d'insignifiants détails, la couleur de sa robe à telle époque, quelle personne un jour était survenue, ce qu'elle avait dit une autre fois. Et elle répondait, tout émerveillée, « Oui, je me rappelle. » Leur goût, leur jugement étaient les mêmes. Souvent, celui des deux qui écoutait l'autre s'écriait « Moi aussi !» Et l'autre, à son tour, reprenait « Moi aussi !» Puis, c'était d'interminables plaintes sur la Providence. Pourquoi le ciel ne l'a-t-il pas voulu? Si nous nous étions rencontrés? Ah, si j'avais été plus jeune, soupira-t-elle. Non, moi un peu plus vieux. Et il s'imaginait une vie exclusivement amoureuse, assez féconde pour remplir les plus vastes solitudes, excédant toute joie, défiant toutes les misères, où les heures auraient disparu dans un continuel épanchement d'eux-mêmes et qui auraient fait quelque chose de resplendissant et d'élevé comme la palpitation des étoiles. Presque toujours, il se tenait en plein air, au haut de l'escalier. Des cimes d'arbres jaunis par l'automne se mamelonnaient devant eux, inégalement, jusqu'au bord du ciel pâle. Ou bien, ils allaient au bout de l'avenue, dans un pavillon ayant pour tout meuble un canapé de toile grise. Des points noirs tachaient la glace. Les murailles exhalaient une odeur de moisi, et ils restaient là, causant d'eux-mêmes, des autres, de n'importe quoi, avec ravissement. Quelquefois, les rayons du soleil, traversant la jalousie, tendaient depuis le plafond jusque sur les dalles comme les cordes d'une lyre. Des brins de poussière tourbillonnaient dans ses barres lumineuses. Elle s'amusait à les fendre avec sa main. Frédéric la saisissait doucement et il contemplait l'entrelac de ses veines, les grains de sa peau, la forme de ses doigts. Chacun de ses doigts était pour lui plus qu'une chose, presque une personne. Elle lui donna ses gants, la semaine d'après son mouchoir. Elle l'appelait Frédéric, il l'appelait Marie, adorant ce nom-là, fait exprès, disait-il, pour être soupiré dans l'extase, et qui semblait contenir des nuages d'encens, des jonchées de roses. Ils arrivèrent à fixer d'avance le jour de ses visites, et sortant comme par hasard, elle allait au-devant de lui sur la route. Elle ne faisait rien pour exciter son amour, perdu dans cette insouciance qui caractérise les grands bonheurs. Pendant toute la saison, elle porta une robe de chambre en soie brune, bordée de velours pareil, vêtements larges convenant à la mollesse de ses attitudes et à sa physionomie sérieuse. D'ailleurs, elle touchait au mois d'août des femmes, époque tout à la fois de réflexion et de tendresse, où la maturité qui commence colore le regard d'une flamme plus profonde, quand la force du cœur se mêle à l'expérience de la vie et que sur la fin de ses épanouissements, l'être complet déborde de richesse dans l'harmonie de sa beauté. Jamais elle n'avait eu plus de douceur, d'indulgence. Sûre de ne pas faillir, elle s'abandonnait à un sentiment qui lui semblait un droit conquis par ses chagrins. Cela était si bon du reste, et si nouveau. Quel abîme entre la grossièreté d'Arnoux et les adorations de Frédéric. Il tremblait de perdre par un mot tout ce qu'il croyait avoir gagné, se disant qu'on peut ressaisir une occasion et qu'on ne rattrape jamais une sottise. Il voulait qu'elle se donnât et non la prendre. L'assurance de son amour le délectait comme un avant-goût de la possession, et puis le charme de sa personne lui troublait le cœur plus que les sens. C'était une béatitude indéfinie, un tel enivrement, qu'il en oubliait jusqu'à la possibilité d'un bonheur absolu. Loin d'elle, des convoitises furieuses le dévoraient. Bientôt il y eut dans leur dialogue de grands intervalles de silence. Quelquefois, une sorte de pudeur sexuelle les faisait rougir l'un devant l'autre. Toutes les précautions pour cacher leur amour le dévoilaient. Plus il devenait fort, plus leur manière était contenue. Par l'exercice d'un tel mensonge, leur sensibilité s'exaspéra. Ils jouissaient délicieusement de la senteur des feuilles humides, ils souffraient du vent d'est, Ils avaient des irritations sans cause, des pressentiments funèbres. Un bruit de pas, le craquement d'une boiserie leur causait des épouvantes, comme s'ils avaient été coupables. Ils se sentaient poussés vers un abîme. Une atmosphère orageuse les enveloppait. Et quand des doléances échappaient à Frédéric, elle s'accusait elle-même. « Oui, je fais mal. J'ai l'air d'une coquette. Ne venez donc plus. » Alors il répétait les mêmes serments qu'elle écoutait chaque fois avec plaisir. Son retour à Paris et les embarras du jour de l'an suspendirent un peu leurs entrevues. Quand il revint, il avait dans les allures quelque chose de plus hardi. Elle sortait à chaque minute pour donner des ordres et recevait, malgré ses prières, tous les bourgeois qui venaient la voir. On se livrait alors à des conversations sur Léotade, M. Guizot, le pape, l'insurrection de Palerme et le banquet du 12e arrondissement, lequel inspirait des inquiétudes. Frédéric se soulageait en déblatérant contre le pouvoir, car il souhaitait, comme des lauriers, un bouleversement universel, tant il était maintenant aigri. Madame Arnoux, de son côté, devenait sombre. Son mari, prodiguant les extravagances, entretenait une ouvrière de la manufacture, celle qu'on appelait la Bordelaise. Madame Arnoux la prit elle-même à Frédéric. Il voulait tirer de là un argument puisqu'on la trahissait. « Oh, je ne m'en trouble guère, » dit-elle. Cette déclaration lui parut affermir complètement leur intimité. Arnoux s'en méfiait-il ? Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Elle lui conta qu'un soir, il les avait laissés en tête à tête, puis était revenu, avait écouté derrière la porte, et comme tous deux parlaient de choses indifférentes, ils vivaient depuis ce temps-là dans une entière sécurité. Avec raison, n'est-ce pas ? Dit amèrement Frédéric. Oui, sans doute. Elle aura mieux fait de ne pas risquer un pareil mot. Un jour, elle ne se trouva point chez elle à l'heure où il avait coutume d'y venir. Ce fut pour lui comme une trahison. Il se fâcha ensuite de voir les fleurs qu'il apportait toujours plantées dans un verre d'eau. Où voulez-vous donc qu'elles soient ? Oh, pas là. Du reste, elles y sont moins froidement que sur votre cœur. Quelque temps après, il lui reprochait d'avoir été la veille aux Italiens, sans le prévenir. D'autres l'avaient vu, admiré, aimé peut-être. Frédéric s'attachait à ses soupçons uniquement pour la quereller, la tourmenter, car il commençait à la haïr. Et c'était bien le moins qu'elle eût une part de ses souffrances. Une après-midi, vers le milieu de février, il la surprit fort émue. Eugène se plaignit de mal à la gorge. Le docteur avait dit pourtant que ce n'était rien, un grand rhume, la grippe. Frédéric fut étonné par les rires de l'enfant. Il rassura sa mère néanmoins, cita en exemple plusieurs bambins de son âge qui venaient avoir des affections semblables et qui s'étaient vite guéris. « Vraiment ? Mais oui, bien sûr. Oh, comme vous êtes bon !» Elle lui prit la main, il l'étreignit dans la sienne. « Oh, laissez-la. Qu'est-ce que cela fait puisque c'est au consolateur que vous l'offrez ? Vous me croyez bien pour ces choses et vous doutez de moi quand je vous parle de mon amour. Je n'en doute pas, mon pauvre ami. Pourquoi cette défiance ? Comme si j'étais un misérable capable d'abuser. Oh non ! Si j'avais seulement une preuve. Quelle preuve ? Celle qu'on donnerait au premier venu, celle que vous m'avez accordée à moi-même. » Et il lui rappela qu'une fois, ils étaient sortis ensemble, par un crépuscule d'hiver, un temps de brouillard. Tout cela était bien loin maintenant. Qui donc l'empêchait de se montrer à son bras, devant tout le monde, sans crainte de sa part, sans arrière-pensée de la sienne, n'ayant personne autour d'eux pour les importuner ? « Soit, » dit-elle, avec une bravoure de décision qui stupéfia d'abord Frédéric. Mais il reprit vivement. « Voulez-vous que je vous attende au coin de la rue Tronchet et de la rue de la Ferme ?»« Mon Dieu, mon ami !» balbutiait Madame Arnoux. Sans lui donner le temps de réfléchir, il ajouta. « Mardi prochain, je suppose. »« Mardi. Oui, entre 2 et 3 heures. J'y serai. » Et elle détourna son visage par un mouvement de honte. Frédéric lui posa ses lèvres sur la nuque. « Oh, ce n'est pas bien, » dit-elle. « Vous me feriez repentir. » Il s'écarta, redoutant la mobilité ordinaire des femmes, puis, sur le seuil, murmura doucement, comme une chose bien convenue, « À mardi !» Elle baissa ses beaux yeux d'une façon discrète et résignée. Frédéric avait un plan. Il espérait que, grâce à la pluie ou au soleil, il pourrait la faire s'arrêter sous une porte, et qu'une fois sous la porte, elle entrerait dans la maison. Le difficile était d'en découvrir une convenable. Il se mit donc en recherche, et vers le milieu de la rue Tronchet, il lut de loin, sur une enseigne, appartement meublé. Le garçon, comprenant son intention, lui montra tout de suite, à l'entresol, une chambre et un cabinet avec 2 sorties. Frédéric la retint pour un mois et paya d'avance. Puis il alla dans trois magasins acheter la parfumerie la plus rare. Il se procura un morceau de fausse guipure pour remplacer l'affreux couvre-pied de coton rouge. Il choisit une paire de pantoufles en satin bleu. La crainte seule de paraître grossier le modéra dans ses emplettes. Il revint avec elle, et plus dévotement que ceux qui font des reposoirs, il changea les meubles de place, drapa lui-même les rideaux, mit des bruyères sur la cheminée, des violettes sur la commode. Il aurait voulu paver la chambre tout en or. « C'est demain, » se disait-il. « Oui, demain, je ne rêve pas. » Et il sentait battre son cœur à grands coups sous le délire de son espérance. Puis, quand tout fut prêt, il emporta la clé dans sa poche, comme si le bonheur qui dormait là avait pu s'envoler. Une lettre de sa mère l'attendait chez lui. « Pourquoi une si longue absence? Ta conduite commence à paraître ridicule. Je comprends que, dans une certaine mesure, tu aies d'abord hésité devant cette union. Cependant, réfléchis. » Et elle précisait les choses. 45 000 livres de rente. Du reste, on en causait. Et M. Rock attendait une réponse définitive. Quant à la jeune personne, sa position véritablement était embarrassante. Elle t'aime beaucoup. Frédéric rejeta la lettre sans la finir et en ouvrit une autre, un billet de Delaurier. « Mon vieux, la poire est mûre. Selon ta promesse, nous comptons sur toi. On se réunit demain au petit jour, place du Panthéon. Entre au café Soufflot. Il faut que je te parle avant la manifestation. »« Ah, je les connais, leurs manifestations, mille grâces. J'ai un rendez-vous plus agréable. » Et le lendemain, dès 11 h, Frédéric était sorti. Il voulait donner un dernier coup d'œil aux préparatifs, puis, qui sait, elle pouvait, par un hasard quelconque, être en avance. En débouchant de la rue Tronchet, il entendit derrière la Madeleine une grande clameur. Il s'avança et il aperçut au fond de la place, à gauche, des gens en blouse et des bourgeois. En effet, un manifeste publié dans les journaux avait convoqué à cet endroit tous les souscripteurs du banquet réformiste. Le ministère, presque immédiatement, avait affiché une proclamation l'interdisant. La veille au soir, l'opposition parlementaire y avait renoncé. Mais les patriotes, qui ignoraient cette résolution des chefs, était venu au rendez-vous, suivi par un grand nombre de curieux. Une députation des écoles s'était portée tout à l'heure chez Odilon Barreau. Elle était maintenant aux affaires étrangères, et on ne savait pas si le banquet aurait lieu, si le gouvernement exécuterait sa menace, si les gardes nationaux se présenteraient. On en voulait aux députés comme au pouvoir. La foule augmentait de plus en plus quand tout à coup vibra dans les airs le refrain de la Marseillaise. C'était la colonne des étudiants qui arrivait. Ils marchaient au pas, sur deux files, en bon ordre, l'aspect irrité, les mains nues, et tous criant par intervalles « Vive la réforme! À bas Guizot !» Les amis de Frédéric étaient là, bien sûr. Ils allaient l'apercevoir et l'entraîner. Il se réfugia vivement dans la rue de l'Arcade. Quand les étudiants eurent fait deux fois le tour de la Madeleine, ils descendirent vers la place de la Concorde. Elle était remplie de monde, et la foule tassée semblait, de loin, un champ d'épinoirs qui oscillait. Au même moment, des soldats de la ligne se rangèrent en bataille à gauche de l'église. Les groupes stationnaient cependant. Pour en finir, des agents de police en bourgeois saisissaient les plus mutins et les emmenaient au poste, brutalement. Frédéric, malgré son indignation, resta muet. On aurait pu le prendre avec les autres et il aurait manqué Madame Arnoux. Peu de temps après, parurent les casques des municipaux. Ils frappaient autour d'eux à coups de plat de sabre. Un cheval s'abattit. On courut lui porter secours. Et dès que le cavalier fut en selle, tous s'enfuirent. Alors, il y eut un grand silence. La pluie fine, qui avait mouillé l'asphalte, ne tombait plus. Des nuages s'en allaient, balayés mollement par le vent d'ouest. Frédéric se mit à parcourir la rue Tronchet, en regardant devant lui et derrière lui. 2 h enfin sonnèrent. « Ah, c'est maintenant, » se dit-il. « Elle sort de sa maison, elle approche. » Et, une minute après, elle aurait eu le temps de venir. Jusqu'à 3 h, il tâcha de se calmer. Non, elle n'est pas en retard, un peu de patience. Et par désœuvrement, il examinait les rares boutiques, un libraire, un cellier, un magasin de deuil. Bientôt, il connut tous les noms des ouvrages, tous les harnais, toutes les étoffes. Les marchands, à force de le voir passer et repasser continuellement, furent étonnés d'abord, puis effrayés, et ils fermèrent leur devanture. Sans doute, elle avait eu un empêchement, et elle en souffrait aussi. Mais quelle joie tout à l'heure! Car elle allait venir, cela était certain. Elle me l'a bien promis. Cependant, une angoisse intolérable le gagnait. Par un mouvement absurde, il rentra dans l'hôtel, comme si elle avait pu s'y trouver. À l'instant même, elle arrivait peut-être dans la rue, Il s'y jeta. Personne. Il se remit à battre le trottoir. Il considérait les fentes des pavés, la gueule des gouttières, les candélabres, les numéros au-dessus des portes. Les objets les plus minimes devenaient pour lui des compagnons, ou plutôt des spectateurs ironiques, et les façades régulières des maisons lui semblaient impitoyables. Il souffrait du froid aux pieds. Il se sentait dissoudre d'accablement. La répercussion de ses pas lui secouait la cervelle. Quand il eut 4 heures à sa montre, il éprouva comme un vertige, une épouvante. Il tâcha de se répéter des vers, de calculer n'importe quoi, d'inventer une histoire. Impossible. L'image de Madame Arnoux l'obsédait. Il avait envie de courir à sa rencontre. Mais quelle route prendre pour ne pas se croiser? Il aborda un commissionnaire, lui mit dans la main 5 francs et le chargea d'aller rue Paradis chez Jacques Arnoux pour s'enquérir près du portier si Madame était chez elle. Puis, il se planta au coin de la rue de la Ferme et de la rue Tronchet, de manière à voir simultanément dans toutes les deux. Au fond de la perspective, sur le boulevard, des masses confuses glissaient. Il distinguait parfois l'aigrette d'un dragon, un chapeau de femme, et il tendait ses prunelles pour la reconnaître. Un enfant déguenillé qui montrait une marmotte dans une boîte lui demanda l'aumône en souriant. L'homme à la veste de velours reparut. Le portier ne l'avait pas vu sortir. Qui la retenait? S'il était malade, on l'aurait dit. Était-ce une visite? Rien de plus facile que de ne pas recevoir. Il se frappa le front. Ah, je suis bête, c'est l'émeute. Cette explication naturelle le soulagea. Puis, tout à coup, mais son quartier est tranquille. Et un doute abominable l'assaillit. Si elle allait ne pas venir. Si sa promesse n'était qu'une parole pour m'évincer. Non, non. Ce qui l'empêchait sans doute, c'était un hasard extraordinaire. Un de ces événements qui déjouent toute prévoyance. Dans ce cas-là, elle aurait écrit. Et il envoya le garçon d'hôtel à son domicile, rue Rumford, pour savoir s'il n'y avait point de lettre. On n'avait apporté aucune lettre. Cette absence de nouvelles le rassura. Du nombre des pièces de monnaie prises au hasard dans sa main, de la physionomie des passants, de la couleur des chevaux, il tirait des présages. Et quand l'augure était contraire, il s'efforçait de ne pas y croire. Dans ses accès de fureur contre Madame Arnoux, il l'injuriait à demi-voix. Puis, c'était des faiblesses à s'évanouir, et tout à coup des rebondissements d'espérance. Elle allait paraître. Elle était là, derrière son dos. Il se retournait, rien. Une fois, il aperçut à 30 pas environ une femme de même taille, avec la même robe. Il la rejoignit, ce n'était pas elle. 5 heures arrivèrent. 5 heures et demie. 6 heures. Le gaz s'allumait. Madame Arnoux n'était pas venue. Elle avait rêvé la nuit précédente qu'elle était sur le trottoir de la rue Tronchet depuis longtemps. Elle y attendait quelque chose d'indéterminé, de considérable néanmoins, et sans savoir pourquoi, elle avait peur d'être aperçue. Mais un maudit petit chien, acharné contre elle, mordiait le bas de sa robe. Il revenait obstinément et aboyait toujours plus fort. Madame Arnoux se réveilla. L'aboiement du chien continuait. Elle tendit l'oreille. Cela partait de la chambre de son fils. Elle s'y précipita pieds nus. C'était l'enfant lui-même qui toussait. Il avait les mains brûlantes, la face rouge et la voix singulièrement rauque. L'embarras de sa respiration augmentait de minute en minute. Elle resta jusqu'au jour, penchée sur sa couverture, à l'observer. À 8 heures, le tambour de la garde nationale vint prévenir M. Arnoux que ses camarades l'attendaient. Il s'habilla vivement et s'en alla en promettant de passer tout de suite chez leur médecin, M. Collot. À 10 heures, M. Collot n'étant pas venu, Mme Arnoux expédia sa femme de chambre. Le docteur était en voyage, à la campagne, et le jeune homme qu'il remplaçait faisait des courses. Eugène tenait sa tête de côté, sur le traversin, en fronçant toujours ses sourcils, en dilatant ses narines. Sa pauvre petite figure devenait plus blême que ses draps, et il s'échappait de son larynx un sifflement produit par chaque inspiration, de plus en plus courte, sèche et comme métallique. Sa toux ressemblait au bruit de ces mécaniques barbares qui font japper les chiens de carton. Madame Arnoux fut saisie d'épouvante. Elle se jeta sur les sonnettes, en appelant au secours, en criant « Un médecin! Un médecin !» 10 minutes après, arriva un vieux monsieur en cravate blanche et à favoris gris, bien taillé. Il fit beaucoup de questions sur les habitudes, l'âge et le tempérament du jeune malade, puis examina sa gorge, s'appliqua la tête dans son dos et écrivit une ordonnance. L'air tranquille de ce bonhomme était odieux. Il sentait l'embaumement Elle aurait voulu le battre. Il dit qu'il reviendrait dans la soirée. Bientôt, les horribles quintes recommencèrent. Quelquefois, l'enfant se dressait tout à coup. Des mouvements convulsifs lui secouaient les muscles de la poitrine et dans ses aspirations, son ventre se creusait comme s'il eût suffoqué d'avoir couru. Puis, il retombait la tête en arrière et la bouche grande ouverte. Avec des précautions infinies, Madame Arnoux tâchait de lui faire avaler le contenu des fioles, du sirop d'ipecacuanha, une potion kermétisée. Mais il repoussait la cuillère en gémissant d'une voix faible. On aurait dit qu'il soufflait ses paroles. De temps à autre, elle relisait l'ordonnance. Les observations du formulaire l'effrayaient. Peut-être que le pharmacien s'était trompé. Son impuissance la désespérait. L'élève de M. Collot arriva. C'était un jeune homme d'allure modeste, neuf dans le métier, et qui ne cacha point son impression. Il restait d'abord indécis, par peur de se compromettre, et enfin prescrivit l'application de morceaux de glace. On fut longtemps à trouver de la glace. La vessie qui contenait les morceaux creva. Il fallut changer la chemise. Tout ce dérangement provoqua un nouvel accès plus terrible. L'enfant se mit à arracher les linges de son cou, comme s'il avait voulu retirer l'obstacle qui l'étouffait. Et il égratignait le mur, saisissait les rideaux de sa couchette, cherchant un point d'appui pour respirer. Son visage était bleuâtre maintenant, et tout son corps, trempé d'une sueur froide, paraissait maigrir. Ses yeux hagards s'attachaient sur sa mère avec terreur. Il lui jetait les bras autour du cou, s'y suspendait d'une façon désespérée, et en repoussant ses sanglots, elle balbutiait des paroles tendres. « Oui, mon amour, mon ange, mon trésor !» Puis, des moments de calme survenaient. Elle alla chercher des joujoux, un polichinelle, une collection d'images, et les étala sur son lit pour le distraire. Elle essaya même de chanter. Elle commença une chanson qu'elle lui disait autrefois, quand elle le berçait en l'emmaillotant sur cette même petite chaise de tapisserie. Mais il frissonna, dans la longueur entière de son corps, comme une onde sous un coup de vent. Les globes de ses yeux saillissaient. Elle crut qu'il allait mourir, et se détourna pour ne pas le voir. Un instant après, elle eut la force de le regarder. Il vivait encore. Les heures se succédèrent, lourdes, mornes, interminables, désespérantes. Et elle n'en comptait plus les minutes qu'à la progression de cette agonie. Les secousses de sa poitrine le jetaient en avant comme pour le briser. À la fin, il vomit quelque chose d'étrange qui ressemblait à un tube de parchemin. Qu'était-ce ? Elle s'imagina qu'il avait rendu un bout de ses entrailles. Mais il respirait largement, régulièrement. Cette apparence de bien-être l'effraya plus que tout le reste. Elle se tenait comme pétrifiée, les bras pendants, les yeux fixes. Quand M. Collot survint, l'enfant, selon lui, était sauvé. Elle ne comprit pas d'abord et se fit répéter la phrase. N'était-ce pas une de ses consolations propres au médecin ? Le docteur s'en alla d'un air tranquille. Alors, ce fut pour elle comme si les cordes qui serraient son cœur se fussent dénouées. Sauvée, est-ce possible ? Tout à coup, l'idée de Frédéric lui apparut d'une façon nette et inexorable. C'était un avertissement de la Providence. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, n'avait pas voulu la punir tout à fait. Quelle expiation, plus tard, si elle persévérait dans cet amour ! Sans doute, on insulterait son fils à cause d'elle. Et Madame Arnoux l'aperçut, jeune homme, blessé, dans une rencontre, rapporté sur un brancard, mourant. D'un bond, elle se précipita sur la petite chaise et de toutes ses forces, lançant son âme dans les hauteurs, elle offrit à Dieu, comme un holocauste, le sacrifice de sa première passion, de sa seule faiblesse. Frédéric était revenu chez lui. Il restait dans son fauteuil, sans même avoir la force de la maudire. Une espèce de sommeil le gagna, et à travers son cauchemar, il entendait la pluie tomber, en croyant toujours qu'il était là-bas, sur le trottoir. Le lendemain, par une dernière lâcheté, il envoya encore un commissionnaire chez Madame Arnoux. Soit que le Savoyard ne fît pas la commission, ou qu'elle eût trop de choses à dire pour s'expliquer d'un mot, la même réponse fut rapportée. L'insolence était trop forte. Une colère d'orgueil le saisit. Il se jura de n'avoir plus même un désir, et comme un feuillage emporté par un ouragan, son amour disparut. Il en ressentit un soulagement, une joie stoïque, puis un besoin d'action violente, et il s'en alla au hasard par les rues. Des hommes des faubourgs passaient, armés de fusils, de vieux sabres, quelques-uns portant des bonnets rouges, et tous chantant la Marseillaise ou les Girondins. Çà et là, Un garde national se hâtait pour rejoindre sa mairie. Des tambours au loin résonnaient. On se battait à la porte Saint-Martin. Il y avait dans l'air quelque chose de gaillard et de belliqueux. Frédéric marchait toujours. L'agitation de la grande ville le rendait gai. À la hauteur de Frascati, il aperçut les fenêtres de la maréchale. Une idée folle lui vint, une réaction de jeunesse. Il traversa le boulevard. On fermait la porte cochère, et Delphine, la femme de chambre, en train d'écrire dessus avec un charbon, « Arme donnée », lui dit vivement. « Ah, madame est dans un bel état. Elle a renvoyé ce matin son groom qui l'insultait. Elle croit qu'on va piller partout. Elle crève de peur. D'autant plus que monsieur est parti. Quel monsieur ? Le prince ?» Frédéric entra dans le boudoir. La maréchale parut, en jupon, les cheveux sur le dos, bouleversée. « Ah, merci, tu viens me sauver. C'est la seconde fois. Tu n'en demandes jamais le prix, toi. »« Mille pardons, » dit Frédéric en lui saisissant la taille dans les deux mains. « Comment ? Que fais-tu ? » balbutia la maréchale, à la fois surprise et égayée par ses manières. Il répondit « Je suis la mode, je me réforme. » Elle se laissa renverser sur le divan et continua à rire sous ses baisers. Ils passèrent l'après-midi à regarder, de leurs fenêtres, le peuple dans la rue. Puis, il l'emmena dîner aux trois frères provençaux. Le repas fut long, délicat. Ils s'en revinrent à pied, faute de voiture. À la nouvelle d'un changement de ministère, Paris avait changé. Tout le monde était en joie. Des promeneurs circulaient et des lampions à chaque étage faisaient comme une clarté, comme en plein jour. Les soldats regagnaient lentement leurs casernes, harassés, l'air triste. On les saluait en criant « Vive la ligne !» Ils continuaient sans répondre. Dans la garde nationale, au contraire, les officiers, rouges d'enthousiasme, brandissaient leurs sabres en vociférant « Vive la réforme !» Et ce mot-là, chaque fois, faisait rire les deux amants. Frédéric blaguait, était très gai. Par la rue du Faux, ils atteignirent les boulevards. Des lanternes vénitiennes, suspendues aux maisons, formaient des guirlandes de feu. Un fourmillement confus s'agitait en dessous. Au milieu de cette ombre, par endroits, brillaient des blancheurs de baïonnettes. Un grand brouhaha s'élevait. La foule était trop compacte, le retour direct impossible. Et ils entraient dans la rue Caumartin quand tout à coup éclata derrière eux un bruit, pareil au craquement d'une immense pièce de soie que l'on déchire. C'était la fusillade du boulevard des Capucines. « Ah, on casse quelques bourgeois !» dit Frédéric, tranquillement. Car il y a des situations où l'homme le moins cruel est si détaché des autres qu'il verrait périr le genre humain sans un battement de cœur. La maréchale, cramponnée à son bras, claquait des dents. Elle se déclara incapable de faire 20 pas de plus. Alors, par un raffinement de haine, pour mieux outrager en son âme Madame Arnoux, il l'emmena jusqu'à l'hôtel de la rue Tronchet, dans le logement préparé pour l'autre. Les fleurs n'étaient pas flétries. La guipure s'étalait sur le lit. Il tira de l'armoire les petites pantoufles. Rosanette trouva ses prévenances fort délicates. Vers 1 heure, elle fut réveillée par des roulements lointains et elle le vit qui sanglotait, la tête enfoncée dans l'oreiller. « Qu'as-tu donc, cher amour ?»« C'est l'excès de bonheur, » dit Frédéric. « Il y avait trop longtemps que je te désirais. »